J'ai marché bien plus loin que tu penses. J'ai même pris le temps de me poser. J'ai rencontré l'amour et la chance. Plus rien ne me fera retourner. Je ne me retournerai plus jamais. Je ne me retournerai plus jamais. Quelquefois les étoiles, je me suis surpris même à leur parler. Jamais j'aurais pu imaginer que des ailes un jour pouvaient me pousser. Je ne me retournerai plus jamais. Je ne me retournerai plus jamais.